6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et comme tous les mardis, nous sommes avec notre camarade Aurélie Jean. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume. Vous nous expliquez pourquoi, selon vous, de nombreux intellectuels paniquent quand il s'agit d'intelligence artificielle. Alors en effet Guillaume, alors je vous apprends rien en vous disant qu'on entend et qu'on lit chaque jour des commentaires d'actualité et des déclarations qu'on reconnaîtra anxiogènes sur l'intelligence artificielle. Eh bien, selon une part non négligeable d'intellectuels non experts de l'IA et qui alimentent le débat public sur tous les sujets en lien avec ces fameux algorithmes, l'IA serait une menace jusqu'à mettre en danger notre civilisation. On peut par exemple entendre que les IA prendront tous les jobs, qu'elles auront des émotions comme vous et moi, voire qu'elles seront capables d'exterminer l'humanité. De quoi faire peur à celui qui écoute ces personnes, à qui il fait pourtant confiance au regard de leur crédibilité à analyser et comprendre notre monde. Nous entrons alors dans un cercle vicieux dans lequel la population se retrouve à propager les mêmes idées approximées et souvent fausses. Alors qu'on s'entende, Guillaume, je ne dis pas qu'il n'y a pas de menaces, je les ai souvent mises en relief dans mes chroniques. Mais elles doivent être discutées et présentées sur des bases scientifiques au risque de mener le débat vers les zones les plus sombres de notre destinée. Mais alors pourquoi, selon vous, beaucoup d'intellectuels qui participent au débat public avancent de telles thèses catastrophistes ? Ben écoutez Guillaume, tout simplement parce qu'ils ont peur. Alors la seconde question sera alors pourquoi ont-ils plus peur aujourd'hui en comparaison aux nombreuses innovations et évolutions de notre histoire pour lesquelles les discours étaient en grande partie plus nuancés. Il suffit de prendre l'exemple de l'arrivée de l'électricité par exemple dans les foyers dans les années 1905-1910 qui a fait naître des peurs épidermiques chez la population, laissant croire qu'on n'allait plus pouvoir dormir jusqu'à mourir à cause des lampes qu'on pouvait laisser allumer sans interruption. Eh bien, les penseurs de l'époque ont contribué, individuellement et collectivement, à déconstruire les nombreux préjugés et mensonges pour vraiment éclairer, si vous me permettez le jeu de mots, l'humanité. Mais comment expliquez-vous que les penseurs de notre époque ont plus peur que leurs ancêtres ? Bah écoutez, Guillaume, au risque de vous étonner, je pense que cela s'explique par le fait que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, une innovation majeure perturbe l'activité des intellectuels, qu'on appelle aussi les travailleurs de la connaissance. Alors en effet, les disruptions de notre histoire ont principalement touché les ouvriers, les artisans, ceux dont le travail à la main a été souvent revisité au regard de ce que la machine pouvait faire. On pense bien évidemment à la révolution industrielle et l'invention de la machine à vapeur qui a permis d'automatiser de nombreuses tâches jusqu'ici réalisées à la main, jusqu'à la disparition de certains métiers. Alors aujourd'hui, les fameuses technologies algorithmiques maîtrisent ce qu'on appelle l'intelligence analytique par des calculs toujours plus précis qui permettent de répondre à des questions de plus en plus sophistiquées, de générer des contenus à valeur ajoutée qui ne cessent de s'améliorer ou encore de résoudre des problèmes à complexité croissante. De quoi faire frémir les travailleurs de la connaissance qui se voient dans le futur remplacés par des IA. Bon, mais alors comment les intellectuels devraient-ils réagir ? Bah écoutez, tout d'abord, je dirais que nous devons nous réjouir de ce moment unique dans notre histoire, dans lequel les travailleurs de la connaissance, vous, moi et tant d'autres, vont devoir s'interroger sur leur place dans la société. Aussi, et ce qui me paraît être une formidable occasion, nous allons devoir nous challenger, nous réinventer tout en allant chercher des compétences que nous avons longtemps mis de côté ou tout simplement dévalorisées. Alors je pense entre autres à l'intelligence émotionnelle et créative ou encore à l'intelligence pratique. Le raisonnement analytique, qui sera toujours nécessaire, ne suffira pas dans le futur pour naviguer dans ce nouveau monde. Tout compte fait, les penseurs de notre époque qui débattent sur l'IA vont devoir nous montrer qu'ils ont aussi un cœur. Et cela me réjouit, mon cher Guillaume. Mais oui, nous avons un cœur qui bat. Merci Aurélie Jean, et il bat à 8h sur France Culture.